Le dernier secret par Edward Rode. Chapitre 1er. Il y a une quinzaine d'années, Auteuil ressemblait beaucoup plus à une petite ville de province, dont il conserve encore un peu le caractère, qu'à un quartier de Paris. Entre les maisons espacées avec des aires de cottage, il y avait de grands jardins ou des terrains vagues plantés parfois d'arbres très vieux, qui presque tous ont disparu. Les rues, pour la plupart, n'étaient guère que des routes bordées de villas, car les maisons, sauf dans l'artère principale, ne rappelaient en rien celles que l'architecture de ces derniers temps a inventées pour entasser les familles. C'est à peine si de ci de là se dressait quelqu'une de ces énormes bâtisses isolées, inquiétantes et comme égarées. Les autres étaient à deux ou trois étages avec des galeries ou des balcons garnis de fleurs démodées et des boutiques en désordre, comme on en voit dans les villages. Les habitants n'avaient point non plus des allures parisiennes. Rentiers, commis, employés, artistes, ils traversaient les rues en pantoufles, en veston de travail, en robe du matin. Ils se connaissaient entre eux à force de se rencontrer. Ils voisinaient volontiers, avec des cordialités toutes provinciales. Ils comméraient comme dans ces petites villes où la curiosité des affaires du prochain remplace les autres intérêts. Ils se querellaient aussi pour des riens, comme font les gens qui ont beaucoup de loisirs. Quand ils allaient en ville, ils attendaient avec patience leurs lents omnibus qui se succédaient à de longs intervalles, sans être jamais complets. Il y avait partout quelque chose de vieillot, de suranné, mais dont on sentait pourtant la fin prochaine. Un parfum qui va s'évaporer. Des architectes dressaient des plans. Des ouvriers commençaient à creuser de vastes fondements. On devinait, on sentait, que la ville grandissante ne pouvait tarder à s'étendre sur ce coin paisible, à surélever ses maisons basses qui tenaient trop de place, à saccager ses beaux jardins, à utiliser ses terrains vagues. La métamorphose, en effet, s'est accomplie. Il y a 15 ans, on la pressentait, aujourd'hui on la constate. Parmi les figures familières du quartier, que connaissaient les fournisseurs et qu'on signalait aux nouveaux locataires, on remarquait en ce temps-là les époux Roger. C'étaient des bourgeois de l'ancienne école, de ceux dont la race se perd, à la fois très simples dans leurs mœurs et d'une certaine élégance d'esprit, naïfs sans être incultes, vivant modestement malgré leur aisance, économes par goût et par tradition, bien que sans avarice, connaissant peu de monde, ne recevant guère, ne sortant presque jamais. De très braves gens, paisibles, inoffensifs, bienveillants à l'occasion, mais à peine rattachés par des liens invisibles au reste de l'humanité, dont l'agitation ne les atteignait pas, à laquelle ils ne demandaient ni n'apportaient rien. Le mari, M. Célestin Roger, portait d'habitude un bonnet de velours noir qu'il remplaçait par un chapeau rond quand il allait en ville, un veston droit, un de ses vêtements confortables, où l'on est bien chez soi, disait-il, et des pantoufles brodées, cadeau annuel de sa femme, réguliers comme le premier de l'an, tantôt à fleurs, tantôt reproduisant des instruments de chasse et tels autres attributs. Quoiqu'il eût 45 ans, il semblait plus jeune, l'œil vif, le teint frais, sans un poil blanc dans son impériale brune, ni dans sa chevelure, plus fournie, qu'il portait en brosse. Soigneux de sa personne, il était toujours d'une propreté méticuleuse. Trop petit pour être un bel homme, il était un joli homme, de ceux que les femmes regardent avec sympathie, bien que sans admiration. À certains égards, M. Roger avait manqué sa vie, en ce sens, du moins, qu'il ne lui avait pas donné un but pratique, utile. Il ne faisait rien, il n'était rien. Autrefois, ses parents, qui s'étaient enrichis dans le petit commerce, rêvaient de le voir fonctionnaire. Rêve bourgeois par excellence, fait d'un grand besoin de certitude, d'un rien de gloriole, du désir d'être pour quelque chose, si peu que ce soit, dans le jeu du rouage compliqué qui fait marcher le monde. Mais M. Célestin Roger avait l'esprit indépendant. L'administration lui déplut. Il prit en aversion ses chefs, ses collègues, son bureau. Son travail l'ennuya, car il détestait écrire, et il se rongea les ongles devant son encrier en s'affligeant de sa destinée. Cependant, par amour de la paix, par paresse, il resta au ministère de l'instruction publique aussi longtemps que vécurent ses parents. Son père disait « Il sera sous-chef, sa mère, il sera décoré. » Et les deux vieux se frottaient les mains, persuadés qu'ils avaient préparé leur fils la plus belle carrière qu'un homme puisse poursuivre. À 28 ans, Célestin se maria, ou se laissa marier, sans ardeur ni révolte, avec des sentiments tout pareils à ceux qui l'avaient conduit au ministère. Mais 3 ans après, ayant perdu ses parents, il donna sa démission, pour se consacrer à l'administration de la petite fortune dont il hérita. Il la plaça presque tout entière en maison, c'est plus sûr. Il se mit à surveiller ses immeubles, préparer les baux, toucher les loyers, discuter les réparations nécessaires avec les locataires et l'architecte, maintenir les lieux en bon état, écouter les réclamations des concierges, sans parler des menus travaux qu'un homme industrieux peut accomplir chez lui. C'est une occupation. Elle remplit l'existence de M. Célestin Roger. Au moment de son mariage, Mme Roger, née Caroline Duchemin, venait à peine d'avoir 20 ans. Elle avait grandi, fille unique, dans un entresol de la rue Rambuteau, au bruit des voitures, des omnibus, des camions, qui, tonnant sur les durs pavés, étouffaient les gammes et les romances qu'elle exécutait sur son piano ou berçait ses lectures. Ses parents, comme ceux de son fiancé, exerçaient un commerce qu'ils quittèrent sitôt leur fille établie. Ils s'en allèrent habiter à Bois-Colombes, une minuscule maison à toit rouge entourée d'un jardin en diminutif, car tel avait été le rêve de leur vie. Ils ne trouvèrent point dans leur retraite le plaisir qu'ils en attendaient. Vainement, ils s'efforcèrent de s'intéresser à la culture de quelques fleurs, de quelques légumes et de 2 abricotiers. L'ennui les prit, un ennui morne, douloureux, impitoyable. Et ils moururent à peu d'intervalle l'un de l'autre avant de s'être habitués à jouir du fruit de leur travail, sans avoir eu la satisfaction suprême qu'ils guettaient d'être aïeuls. À ce moment-là, Caroline Roger était une jolie personne, ou plutôt une de ces personnes qui plaisent. Elle avait cette fraîcheur propre aux jeunes filles poussées dans les quartiers populeux de Paris. Un teint d'une délicatesse extraordinaire, d'où un sang pâle, sous la finesse satinée de la peau, rosait la blancheur aux émotions les plus fugitives. Ses fins cheveux blonds frisaient légèrement sur le front et les tempes. Ses beaux yeux gris, très grands, avaient un regard à la fois candide et profond, dont l'expression ne changeait guère. Une bouche finement dessinée, et surtout de merveilleuses petites dents, éclatantes, donnait à ses sourires, un peu las, un peu fades, une grâce infinie. Mais ce qui surtout attira en elle, c'était le charme intérieur d'une âme très calme, très douce, d'une de ces âmes qui ralentissent le mouvement de la vie et, pour ainsi dire, enfeutrent les bruits. Elle était bonne, quoique sa bonté fût plutôt passive. Elle était surtout confortable. Partout où elle se trouvait, on se sentait bien. Elle restait jolie jusqu'aux environs de 30 ans. Puis, en peu de temps, elle s'épaissit, elle se fana, sans d'ailleurs changer de caractère, sans rien perdre de son humeur égale, de son sourire accueillant, de ses gestes lents et graves comme une harmonie en ton mineur. Les époux Roger passaient pour être toujours épris l'un de l'autre, malgré les années. Dans le fait, leur union paraissait absolue. On les voyait sans cesse ensemble. Ils ne se quittaient pour ainsi dire jamais. Les 4 bonnes, qui, en près de 20 années, se succédèrent à leur service, n'entendirent jamais entre eux la moindre querelle. Ils se parlaient du ton le plus affectueux, d'un ton de courtoisie tendre, qui tenait la limite entre le respect amical et la familiarité trop grande. Ils l'appelaient « ma bonne amie ». Elle l'appelait « mon bon chéri ». Et leurs 2 voix se faisaient caressantes, comme si, à chaque parole qu'ils échangeaient, ils eussent éprouvé le besoin de se dire, sous l'insignifiance des mots, quelque chose de tendre. Du reste, ils ne parlaient pas beaucoup, ni l'un ni l'autre. Il y avait entre eux souvent de ces silences où l'on s'entend mieux. Certainement, quelque humble qu'elles fussent, leurs pensées devaient toujours être d'accord, comme si elles eussent jailli d'une source commune. On n'aurait jamais pu croire que l'un eût un souci, une préoccupation, un désir que l'autre ne partagea pas aussitôt. Les personnes qui les approchaient les trouvaient touchants. On les citait comme un parfait exemple de l'attachement conjugal. On disait d'elles « Madame Roger adore son mari, cela se voit. » Et de lui « Monsieur Roger couvre sa femme du regard, sans cesse. » 2. Ce sont des gens heureux entre tous. Parfois seulement les plus clairvoyants ou les malicieux hasardaient une restriction. « Oui, disait-il, mais ils n'ont pas d'enfants. » Ces indiscrets mettaient le doigt sur la plaie. En effet, les Roger avaient passionnément désiré un enfant, étant de ceux qui se marient pour fonder une famille, essentiellement. Sans doute Caroline était une excellente femme. Elle eût été une meilleure mère. Célestin était un bon mari. Il aurait été le père le plus dévoué, le plus passionné, peut-être. Dès les premiers temps de leur mariage, le thème préféré de toute leur causerie, c'était « Quand nous aurons un beau bébé ». Là-dessus, ils brodaient des variations infinies. Serait-ce une fille? Serait-ce un garçon? Quel nom faudra-t-il lui donner? Au bout d'une année, quand ils virent qu'il ne venait ni garçon ni fille, ils commencèrent à s'inquiéter, mais d'abord en plaisantant leur inquiétude, en affectant de ne pas la prendre au sérieux. Puis elle s'aggrava, elle grossit, elle les remplit de tristesse. Ils consultèrent des médecins, des sages-femmes, des spécialistes. Leur souci devint une obsession. Ils ne parlèrent que de cela, ils ne pensèrent qu'à cela. Ils eurent de fausses joies, des espoirs ardents et déçus. Et lentement, à travers les traitements, les cures, l'attente, ils se résignèrent, sans savoir comment, leur grosse douleur s'étant usée, quoiqu'elle fût toujours là. En sorte qu'ils vieillissaient ensemble, ne pensant que le moins possible à leur déception, ayant cette sagesse qui pousse les gens modérés à écarter de leur esprit les préoccupations pénibles contre lesquelles on ne peut rien. Jamais plus ils ne touchaient à ce sujet qui avait coûté tant de larmes secrètes à la pauvre Caroline. Elle aimait à se dire que son mari en avait pris son parti, et s'il n'était pas tout à fait heureux, du moins ne souffrait-il plus. Ils occupaient un petit appartement de 4 pièces dans un immeuble assez vaste que possédait M. Roger, entre la rue Lafontaine et la rue Mozart. Le cour principal du bâtiment était une maison à 2 étages, solidement construite, mais bien vieille et assez mal distribuée, dont la façade donnait sur la rue Lafontaine. À cette maison attenaient 2 ailes formant pavillon, entre lesquelles s'ouvrait un grand jardin, partagé entre les locataires, qui cultivaient chacun son petit carré. M. Roger, toutefois, s'en était réservé le meilleur morceau. Il y faisait des merveilles. Il n'avait pas moins de 18 espèces de roses. Ses tulipes au printemps, ses dahlias en automne, étaient aussi beaux que ceux qu'on admire dans les plus beaux parterres. Il en était fier et il les aimait. Dans son angle le plus rapproché de la rue Mozart, dont le séparait un rideau d'arbres, le jardin encerclait encore un tout petit pavillon entouré de 3 toutes petites plates-bandes, vraie demeure de poupée, peinte en gris-rose comme un joujou. Les appartements et les pavillons étaient tous occupés par des gens tranquilles, car M. Roger préférait louer à des prix modestes pour être sûr de ses locataires. Il exigeait qu'ils n'eussent ni chiens, ni animaux bruyants, ni instruments de musique. Jamais il n'aurait agréé un ménage ayant plus de 2 enfants. Encore préférait-il les célibataires, surtout les vieilles demoiselles. Il en avait eu plusieurs. Il conservait avec un soin jaloux une ancienne institutrice, chétivement rentée, dont il n'augmentait jamais le loyer, quelque insuffisant qu'il fût. Du reste, les Roger n'entretenaient aucune relation avec leurs locataires. C'étaient de bons propriétaires, prêts à écouter les réclamations justifiées, capables de supporter un retard dans le paiement des termes. Ce n'étaient point des propriétaires familiers. Leur appartement, le 1er étage de celui des 2 pavillons, dont le rez-de-chaussée logeait les concierges, aurait donné une étroite idée de leur fortune. Mais comme il suffisait à leurs besoins, ils s'en contentaient. Il était meublé aussi simplement que possible. De bons meubles, solides, honnêtes, mais sans élégance ni style. Point de bibelots. Leurs yeux s'en passaient. Des rideaux blancs aux fenêtres, une garniture de bronze sur la cheminée du salon, le motif de la pendule représentant un pêcheur de crevettes. Aux parois, quelques images dans des passe-partout encadrées de baguettes noires et or. En revanche, leurs armoires en noyer poli regorgeaient de linge, d'un linge superbe, inusable, comme on en chercherait en vain dans les grands magasins. Ils avaient toujours en abondance des provisions de toutes sortes dont ils n'usaient guère. Et M. Roger soignait dans sa cave de bonnes bouteilles qu'il tirait de leur poussière aux jours de fête, aux anniversaires, ou quand par hasard on avait à dîner quelques membres d'une de leurs 2 familles. Cette aventure était fort rare. Les Roger tenaient à l'écart leurs cousins, avec cette aversion instinctive qu'on a pour ses héritiers, s'ils ne sont que des collatéraux. Ils ne les recevaient que lorsqu'il leur était impossible de faire autrement, en cérémonie, pour leur faire comprendre que la fête ne pouvait se renouveler trop souvent. Ces corvées, qui revenaient à peine une fois l'an, dérangeaient seules la régularité de leur existence et troublaient l'égalité de leur humeur.